Aujourd'hui, je me suis encore réveillée avec la gueule de l'ennemi. J'ai le masque du fautif tatoué sur la face, j'en connais le prix. Je vais marcher dans ma ville, sentir les regards lourds de mépris. Aujourd'hui, j'ai pas la tête du terroriste, mais celle de la vermine. Hier, dans le centre, quelques casseurs ont fait des conneries. J'y étais pas, mais je serai coupable, puisqu'à leurs yeux, j'appartiens à leur ethnie. Deux ou trois pillages, un peu de casse, la machine est en marche. C'est parti. Les médias s'enflamment, les réseaux s'emballent, tout le monde crie au scandale pour une voiture qui crame. Peu importe ce qu'on dira, on est jugé d'avance et condamné par la masse. Ils se foutent des témoignages qui racontent tous que les flics ont donné la charge sur des fêtards et des familles qui occupaient joyeusement la place. Pareil que c'est nous, nous qui donnons raison aux fascistes qui nous attaquent, qu'en retour, on vole, on frappe, on brûle et on saccage. Faudrait tendre l'autre joue, faudrait se taire, apprendre à être sage. Ici, tu t'intègres et tu condamnes ou bien tu rejoins la marge. Si t'as la peau mate, faut se désolidariser, les traiter de sauvages. Mais la vérité, c'est que moi aussi, parfois, j'ai des envies de carnage. J'aimerais bien m'émouvoir, mais j'ai jamais eu de bagnole, donc je me marre. Je sais que pour un tas de tôles avec de la fumée qui s'échappe, ça pèsera toujours plus lourd qu'un noir ou un arabe qu'on tabasse. C'est loin, mais 68. Les jeunes s'indignent pour un pavé dans une vitrine. Le peuple condamne plus vite les indociles plutôt que ceux qui les volent et s'enrichissent. Plus personne s'étonne des trafics, des entreprises ou des politiques. On préfère nous penser responsables de tous les malheurs de la Belgique. Cible facile. Les crachats atteignent moins vite leur costard que nos trainings. Certains d'entre nous rêvaient des sommets, ils restent bloqués au parking. Ici, faut pas faire de bruit. La soumission est synonyme du civisme. Ils oublient de préciser que personne veut de nous dans leurs écoles élitistes, mais peu importe que tu sois rejeté de partout, faut surtout pas devenir cynique. Faut oublier que s'il y en a un qui réussit, c'est juste pour que tous les autres culpabilisent. Personne n'a le temps de se demander pourquoi on fout la merde, pourquoi des gamins de 15 ans n'ont déjà plus rien à perdre. Les bourgeois sont trop focalisés par le foulard sur la tête de ta mère. En retard d'une guerre, faudrait dire merci pour la vie qu'ils nous ont offerte. Être content de ramasser leurs déchets, bah ouais, c'est toujours mieux que notre bled. Bien à l'abri derrière leurs fenêtres, ils jugent notre vie sans la connaître, sans imaginer à quel point on s'emmerde, ni même ce que signifie le mot colère. Y a pas de place pour les bougnoules. Des quartiers chics aux classes correctes. Il y a des gosses qui grandissent sans jamais faire une balade en forêt. La seule chose qui a de l'intérêt ici, c'est comment faire de la monnaie. Pour décrocher un bon job, on n'a pas le bon nom, pas la bonne tête. On n'a pas le bon profil pour passer la porte de leurs boîtes, galeries et hôtels. Ils multiplient les vols à grande échelle, mais ils nous demandent d'être honnêtes. Au pays de la corruption, l'impunité ne s'adresse qu'aux gros bonnets. Ici, il n'y a pas de place pour la pauvreté, donc évite d'avoir des projets, évite d'avoir des rêves, pour toi, il y aura que la STIB ou bien l'ONEM. Allez, viens, viens voir l'état de nos écoles, le moral de nos profs quand le lundi matin arrive. On nous autorise que les ghettos, puis on nous reproche le communautarisme. La Belgique s'affiche tolérante, fait croire qu'elle n'est pas raciste. Il n'y a pas de place pour les récits de ceux qu'on discrimine, qu'on ostracise, personne n'est prêt à voir la vérité en face, à réagir. On veut faire croire que c'est notre chômage qui ruine la patrie. Pendant que l'argent des riches s'enfuit tranquillement vers les paradis. Pendant qu'on finance un SAMU social qui engraisse les politiques, notre pays vend des armes qui se retrouvent dans les mains de l'État islamique, pourtant c'est nous, nous qu'on considère comme des terroristes. Pas de place pour l'éducation, l'écologie, la culture ou les artistes, on préfère payer des militaires plutôt que des éducateurs, on trouve ça logique, comme nos radios et nos télés qui ne racontent plus que des conneries. Ce matin, je me réveille avec la gueule de celui que tout le monde a envie de juger. Mais qui ose reprocher à des enfants d'être mal éduqués? On a essayé de vous prévenir, mais faudra peut-être tout un pays en flammes pour que vous soyez prêts à regarder votre échec en face. Le texte entendu au début de ce micro est de Joy Slam Poésie. Je vous invite à aller voir sa page. Alors la suite, pourquoi je dis la suite? Parce qu'il y a une première partie qui a déjà été réalisée. Il y a une première partie qui a déjà été réalisée dans ce micro. Et c'est la première partie avec Madame Malika Hamidi qui a écrit un livre qui s'appelle « Un féminisme musulman et pourquoi pas ?» Et donc, ça, c'est la première partie. On peut entendre ça sur un site, hein, microouvert.be. Et donc maintenant, on s'écoute la deuxième partie avec Madame Ouria Boutelja, qui va donner son point de vue. Enfin, ce n'est pas la sienne, hein, parce qu'elle fait partie des indigènes de la République. Enfin, elle explique tout ça très bien. On entend aussi Madame Khadija Sadji qui anime, qui pose des questions. Tout ça a été organisé par Bruxelles Panther. Je vous invite à aller voir c'est quoi Bruxelles Panther. Et moi, j'avais juste envie de rajouter cette idée, voilà, que si j'étais noire, si j'avais toute cette histoire de dingue derrière moi, je crois pas que je serais choquée d'entendre ce que dit Madame Ouria Boutelja, puisque je suis blanche et que je le comprends, en fait. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, il y a une dame dans le public qui réagissait aux propos de Madame Ouria Boutelja qui, quand elle parle de blanc et de race, oui, on aimerait... J'ai pas pu l'enregistrer parce que ma carte mémoire était vide, plus de place, dommage, parce que Madame Ouria Boutelja répondait du tac au tac, et c'est tellement vrai ce qu'elle dit, c'est tellement vrai. Une idée qu'elle disait, c'était quand les Blancs sont ensemble, on parle pas de communautarisme, hein. C'est vrai. Quand les Noirs sont ensemble, on parle de communautarisme. Et on aimerait tellement être dans un pays où il n'y a pas de race. Hein, on aimerait tellement oublier cette histoire de race. Mais voilà, ça s'est mis en place, c'est là. Madame Ouria Boutelja, et je suis sûre de ça, ne cherche pas la guerre. Mais c'est une dame qui est fière et qui ne baisse pas les yeux, c'est-à-dire qu'elle regarde les choses en face. Et elle va appuyer là où ça fait mal, là où on aimerait oublier. Et reprend aussi, du coup, son pouvoir. Quand je dis le sien, c'est pas le sien, mais c'est le pouvoir, quoi, le pouvoir des gens. Et je trouve que ça vaut la peine de prendre le temps de vraiment écouter ce que dit cette dame. Micro ouvert. Merci beaucoup, Melika. Donc, je ne vais pas revenir sur ce que tu as dit, je pense que Ouria, enfin dans la discussion avec Ouria, on aura l'occasion d'approfondir l'une ou l'autre chose. Peut-être juste un petit élément pour nuancer ce que tu as dit sur les questions liées au port du foulard ici en Belgique, comme quoi c'est moins crispé, moins que la France, exactement. Effectivement, il y a peut-être moins d'hystérie. Médiatique et politique, en tout cas à première vue ici en Belgique, mais je pense que ce serait une erreur de dire que c'est plus apaisé du coup, parce que ce qui est différent entre la Belgique et la France, c'est qu'en France les questions se posent, elles se posent dans l'arène médiatique, elles se posent dans l'arène politique, ce qui n'est pas forcément toujours le cas ici en Belgique. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les dispositions ne passent pas législatives. Il faut rappeler que la disposition anti-burqa a été votée ici en Belgique avant la France. La question de l'interdiction du foulard dans les écoles, elle se pose en Belgique de manière généralisée, dans le monde professionnel aussi. En tout cas, il y a la question de la neutralité qui est posée, par exemple, dans les services publics. La question même de l'accompagnement des mamans dans les sorties scolaires. La ville de Bruxelles a adopté un règlement d'ordre intérieur qui interdit explicitement aux mamans voilées, chose qui fait scandale en France. Ici, il n'y a même pas eu de débat, donc ces dispositions passent. Et donc, on a l'impression parfois que c'est moins... que du coup, c'est moins violent, mais je pense que la violence est quand même aussi forte, et peut-être encore même plus forte, parce qu'il n'y a pas ce débat qui permet, à un moment donné, de prendre position par rapport à là-dessus. Et même dans les parlements, moi, je ne connais qu'une seule députée, et son sort est tout sauf enviable, parce qu'elle a été quand même exclue. Elle a fini par être exclue de son parti. Elle siège de manière indépendante. Pardon ? Au CDH, tout à fait. Voilà, donc c'était juste un petit élément pour nuancer. Mais voilà. Mais en fait, Tu as raison de rebondir là-dessus. Mais quand je disais que c'était beaucoup plus apaisé, c'était aussi dans le sens où, alors j'ai peut-être pas utilisé le bon terme, mais dans le sens où les communautés musulmanes ici en Belgique sont beaucoup plus impliquées aussi dans le débat là, via le politique ou les institutions, alors qu'en France, on ne te laisse même pas l'occasion. Oui, mais une heureuse demi-heure, effectivement, elle a pu investir le Parlement. Elle est quand même à l'intérieur et elle se bat de l'intérieur. Alors qu'en France, on ne te laisse même pas l'occasion de... Mais tu as raison de dire que la situation en Belgique n'est évidemment pas aussi enviable qu'en France. Et en plus, on a l'impact des débats français. Absolument. Ici, voilà. Sur ce, donc on va passer à une discussion avec Ouria. J'imagine que tu auras beaucoup de choses à dire par rapport à ce qui vient d'être dit par Melika, mais également par rapport à ce que tu développes. Donc il y a un chapitre spécifiquement de ton livre qui porte sur cette question-là, qui s'intitule « Nous, les femmes indigènes », où tu parles des questions féministes. À un moment donné, tu parlais, Melika, du retard du monde francophone sur le monde anglophone, anglo-saxon en tout cas, sur les questions féministes. Et ça faisait effectivement écho, comme tu me le suggérais de dire, donc à la préface de la version anglaise de ton livre, la préface que Cornel West a rédigée, alors que ton livre, en France en tout cas, a fait débat, a fait scandale même, a eu une réception extrêmement critique. Je pense qu'un an et demi après, c'est encore le cas. Enfin, dans certains milieux, il est vu comme comme irrecevable, comme un brûlot, exactement. Et donc, effectivement, dans le monde anglo-saxon, il y a une approche différente de toutes ces questions-là, et que c'est une spécificité française, franco-belge, francophone, en tout cas, d'être très crispée sur toute une série de questions. Alors moi, pour commencer, pour te donner donc la parole, Ouria, j'aimerais commencer par lire un passage justement de ton livre. C'est le début de ce fameux chapitre « Nous, les femmes indigènes ». Et c'est un passage que je me permets de lire parce que justement, il fait débat, il fait scandale, il pose question en tout cas. Et c'est l'occasion pour toi d'aborder cette question de la possibilité du féminisme. Et moi, il me semble tout à fait essentiel dans ton propos, parce qu'il permet de comprendre, si en tout cas on se donne les moyens de comprendre ce que tu veux dire, tout ce que tu développes par la suite sur les possibilités de se penser féministe. Alors tu dis « Mon corps ne m'appartient pas. Aucun magistère moral ne me fera endosser un mot d'ordre conçu par et pour des féministes blanches. » Récite « Ana hit wilderness hit. Sur ma cuisse droite, trois marques faites au rasoir et recouvertes de kohl pour sécher le sang. C'est un rite patriarcal qui s'empare de ton corps, qui l'enchaîne à la lignée des ancêtres. Ma grand-mère paternelle approuve, je lui appartiens. Ma grand-mère maternelle approuve, je lui appartiens. Mes grands-pères, tombés en martyr, approuvent, je leur appartiens. Mon père approuve, je lui appartiens. Ma mère, je n'en parle même pas. C'est elle qui m'a enfilé les menottes, je lui appartiens. Le sang a séché, la cicatrice sera indélébile. J'appartiens à ma famille, à mon clan, à mon quartier, à ma race, à l'Algérie, à l'islam. J'appartiens à mon histoire et si Dieu veut, j'appartiendrai à ma descendance. Lorsque tu te marieras, Inch'Allah, tu diras « Ana hit, wilderness hit ». Alors tu seras à ton mari. C'est un passage très fort. Et voilà, donc je voulais commencer par ceci. Je vais te laisser l'opportunité de pouvoir dire ce que tu as à dire par rapport à ce que tu as écrit dans ce passage. Bonjour à tous et merci aux organisateurs, merci au Piano Fabrique, merci aux frères de Bruxelles Panther et merci à Melika d'avoir pensé à moi pour cette intervention et merci à toi Khadija de faire ce travail. Alors j'avoue effectivement que quand je m'entends lire, quand j'entends ce que j'ai écrit, je comprends le choc. L'écrire, c'est une chose, l'entendre, c'est encore autre chose. Et j'imagine, quand c'est quelqu'un qui est complètement en dehors de ce qui est dans ma tête, comment on peut recevoir quelque chose comme ça ? Bon. Alors, je vais immédiatement dire que, avant d'aborder immédiatement ce sujet, j'aimerais quand même dire que j'appartiens à une tradition qui est une tradition de matérialiste. C'est-à-dire qu'en fait, toute la réflexion qui est la mienne, et celle du Parti des indigènes de la République, c'est une réflexion qui n'est pas une réflexion abstraite, c'est une réflexion qui est fondée, qui relève à la fois de l'histoire, des rapports de force, de l'État, de l'impérialisme, du système économique. Cette chose qu'on appelle la modernité occidentale. Notre pensée au Parti des indigènes est une pensée matérialiste. C'est-à-dire qu'elle ne vient pas d'une espèce d'abstraction idéologique, elle ne vient pas d'un corpus idéologique, elle part à partir des rapports de force sur le terrain, elle vient à partir de l'histoire et des relations sociales. D'accord ? Et notre approche, elle est toujours située quelque part. C'est-à-dire qu'on est, on n'est jamais en suspension. On est toujours quelque part. Et notre quelque part, c'est effectivement l'histoire, la situation, celle de l'immigration postcoloniale. Donc en France, on part d'une condition spécifique dans un contexte spécifique qui est l'État français, la République. D'accord ? C'est à partir de là qu'on réfléchit. Et évidemment, tout ce que je dis, c'est à partir de cette longue histoire coloniale et de son présent postcolonial. D'accord ? Ceci ayant été dit, je voudrais raccrocher ce que tu viens de lire à quelque chose qu'a dit tout à l'heure Malika sur le voile. Et c'est vrai que pendant de longues années, on a perdu notre temps à vouloir expliquer, justifier le voile. Et tu te dis, t'en as marre, et à juste titre. Moi, j'en avais déjà marre au début, donc autant te dire que ça fait longtemps que j'en ai marre. Mais ça fait longtemps que j'ai pris conscience qu'il ne servait à rien ni de se justifier, ni d'en parler, ni de parler du voile, parce que je crois que quand on répond, c'est pas simplement qu'on a tort de répondre, c'est que l'argumentation n'a aucun sens dans la mesure où on n'a pas identifié la raison de la crispation et de l'hystérie. Tant qu'on ne sait pas pourquoi il y a de l'hystérie, on ne comprend pas, on répond à côté parce qu'on n'a pas identifié les raisons de l'hystérie. On a expliqué, on sait, les études ont été faites sur pourquoi les femmes portent le voile. Bon. Et les femmes, elles expliquent, c'est mon choix, c'est tout ce que tu as dit tout à l'heure, c'est politique, etc. Enfin, je veux dire, les raisons objectives du port du voile, on les connaît. Je veux dire, on sait très bien que c'est absolument faux que derrière chaque femme, il y a un homme qui oblige la femme à porter le foulard. On sait qu'il y a dans ce processus une liberté que je ne dirais pas totale. Ce n'est pas vrai qu'il y ait une liberté totale. Je pense qu'on est déjà mis sur des rails. Donc il y a un choix de société ou un choix de groupe qui a été fait qui fait que les femmes portent le voile. Donc je ne crois pas tellement au choix individuel, mais ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas une obligation derrière chaque homme. Il y a pas mal de familles où les mères et les pères sont dégoûtés que leurs filles portent le voile. Enfin, je veux dire, c'est pas aussi. On l'a expliqué. C'est-à-dire que sociologiquement, on sait ce que c'est. Et pourtant, avec des arguments les plus rationalistes, c'est-à-dire matérialistes, du coup. Ça ne convainc pas. C'est-à-dire qu'on est toujours devant un mur de béton. Et la raison en est que, précisément, si ça ne convainc pas, c'est parce qu'il y a une intelligence derrière la crispation. Et il ne faut pas dénigrer l'intelligence qu'il y a derrière la crispation. Derrière un occidental, un français, un blanc, qui ne comprend pas, qui ne veut pas comprendre ce qu'est le voile, c'est une intelligence intuitive. Quelle est cette intelligence intuitive ? À mon avis, c'est ça qu'il faut comprendre. Ce que tout le monde comprend, ce que le monde blanc comprend, c'est que le voile dit une chose claire, nette et précise, mon corps ne vous appartient pas. C'est ça le message qui est envoyé, et c'est ça l'intelligence qu'il faut reconnaître à ceux qui se crispent. Ils ont compris que ça veut dire, mon corps ne vous appartiendra pas. Vous voulez qu'il vous appartienne, vous voulez le conquérir, vous voulez le soumettre, eh bien, on est en train de vous dire collectivement, c'est pas une femme qui porte le voile ici et là, c'est collectivement, c'est un phénomène social massif. Il y a un corps social qui répond, qui se lève et qui dit non, nous on ne joue pas ce jeu. C'est ça que ça signifie. Et donc moi quand je dis dans mon livre, mon corps ne m'appartient pas, je dis à la fois, il ne vous appartient pas, c'est-à-dire je dis ce que a déjà été dit par ma communauté, moi qui ne le porte pas. Je dis la même chose que disent les femmes voilées, mon corps ne m'appartient pas, mais pire que ça, et c'est pour ça que c'est un blasphème. Je dis, il appartient à ma race. C'est-à-dire que je dis ce que des femmes de nos générations, toutes celles qui nous ont précédées jusqu'à maintenant, on a fait échouer le projet de la beurette. On a fait échouer le projet de la beurette. Ça veut dire que devant vous, vous avez un corps social qui ne se soumet pas, qui n'acceptera pas vos règles, qui entend définir sa voie, sa propre existence, et qui ne veut pas être façonné depuis, d'autant qu'on a une mémoire, même si c'est une mémoire qui est brouillonne, même si elle n'est pas claire dans nos têtes, elle est encore là, et elle résiste au façonnage colonial. Nous voulons faire échouer le projet républicain, alors je ne sais pas si on peut dire ici monarchique, je ne sais pas, de la Beurette. La Beurette qui doit être une femme moderne, qui doit se libérer de sa famille, de son père, de son frère, de sa religion, de ci, de ça. Donc non, on est arrivé à une espèce de maturation politique, une maturation qui nous a précédés par une réaction collective, encore une fois. On appartient à un groupe. Et quand je dis, moi, mon corps ne m'appartient pas, évidemment, quand je dis mon corps ne m'appartient pas, c'est que je ne fais qu'assumer quelque chose qui existe déjà. Sauf que je veux l'assumer politiquement, encore une fois, pour situer l'espace dans lequel je me situe et dire, moi, je vais tracer mon chemin. Et ça n'est pas, effectivement, les féministes blanches, quelles que soient les raisons pour lesquelles elles ont dit « mon corps m'appartient ». Parce qu'encore une fois, tout à l'heure, je disais « nous sommes situés quelque part », je comprends que les féministes blanches sont situées quelque part. Et qu'elles, dans les années 70, elles ont éprouvé le besoin de dire « mon corps m'appartient ». C'est autre chose. Je ne juge pas. Sauf que moi, qui vis l'oppression de la race en France, eh bien, je ne suis pas une femme blanche. Et si je ne suis pas une femme blanche, j'ai donc un destin de femme indigène. Et une femme indigène, là où elle est, ne peut pas réfléchir comme une femme blanche. C'est aussi simple que ça. La femme blanche, contrairement à moi, n'a pas un frère opprimé racialement. Voilà. Les femmes blanches ont des hommes qui, pour la plupart, ne sont pas en prison. Alors que nous, dans les quartiers, on a des mecs qui sont en prison. Les frères, les cousins, etc., etc. Donc on a un rapport avec les hommes qui est déjà très différent du rapport que les femmes blanches ont avec les hommes blancs. Parce que l'homme blanc, par définition, est celui qui est au-dessus de la femme blanche. Donc il y a l'homme blanc, il y a la femme blanche, et donc nous, en tant qu'indigènes, on est en dessous de ces deux catégories. Donc les voies de libération des femmes blanches ne sont par conséquent pas ma voie à moi. Or, effectivement, j'ai un rapport, pour ma part, extrêmement conflictuel avec ce mot d'ordre de « mon corps m'appartient ». J'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Quand je dis conflictuel, ça veut dire que j'ai vécu avec ce mot d'ordre qui m'a accompagnée longtemps. Longtemps, parce que je suis, évidemment, j'ai grandi en France, et d'une certaine manière, parce qu'en fait, les idées du monde blanc nous subjuguent. Elles nous subjuguent. Et donc, mon corps m'appartient, c'est un mot d'ordre magique. Et pourtant, j'ai eu un rapport conflictuel, c'est-à-dire qu'en fait, je ne l'ai pas complètement intégré. C'est-à-dire qu'en fait, il était là, je suis une femme, oui, je sais que je vis une oppression sexiste, oui, je sais que les hommes de ma communauté sont des gros balourds, je le sais. D'ailleurs, oui, ok. Le harcèlement, le truc, le flicage, on sait tout ça. Et pourtant, il n'a pas réussi à me convaincre complètement. C'est-à-dire qu'il était là, il tournait autour de moi, il tournoyait autour de moi, ce mot d'ordre, et je ne l'ai pas intégré. Et à un moment donné, je me suis interrogée sur le fait que je n'intégrais pas, que je n'arrivais pas complètement à intégrer ce mot d'ordre. Et lorsque la décision a été prise dans ma tête d'en finir, littéralement, d'en finir, parce qu'il s'agit d'une bataille, d'en finir avec ce mot d'ordre, donc, c'est-à-dire écrire noir sur blanc, mon corps ne m'appartient pas, j'ai éprouvé à ce moment-là un sentiment de libération. Parce que je me rends compte qu'on est effectivement tellement subjugué, je dis bien subjugué. Subjugué, ça veut dire qu'on est ensorcelé par des mots d'ordre, par des visions, par des concepts, par des chemins qui ont été tracés par d'autres, qui fait que lorsque je l'écris, c'est une libération jouissive. Je sais que j'ai commis un acte à la fois qui va me libérer, mais qui va dresser contre moi absolument tout le monde. Je le sais. Mais si je ne le fais pas, on reste sous la subjugation et on ne trouve pas les chemins pour notre propre libération. Or, moi, je ne cherche pas, comme tout le monde, je cherche ma libération, on va en chercher celle des autres. Donc, je cherche ma libération. Et ma libération ne consiste pas à participer à l'oppression des hommes de ma communauté. on est dans une relation, et puis effectivement dialectique, ambivalente, parce que objectivement, ils ont des rapports sexistes avec nous, c'est absolument objectif. Sauf que l'État est tellement oppressif vis-à-vis d'eux qu'il ne peut que renforcer leur virilisme. Renforçant leur virilisme, ils renforcent mon oppression. Donc, à un moment donné, il faut dire stop à la mécanique raciste et donc trouver une perspective, une réflexion qui fasse qu'on sorte ensemble de l'ornière. Ensemble, d'accord ? Et il se trouve que lorsqu'on pousse la réflexion, on se met à découvrir des choses qui étaient extrêmement claires et visibles. En fait, on redécouvre le réel. C'est ça qui est extraordinaire. Il y a un tel brouillard idéologique que quand on dit ça, le réel, c'est quoi ? Ben, le réel, c'est 80% de Noirs et d'Arabes en prison, de mecs. C'est les contrôles aux faciès, c'est les crimes policiers, c'est les débats publics qui criminalisent ces mecs, ces hommes. D'accord ? Alors évidemment que nous, les femmes voilées en particulier, plus que moi, sont également la cible de l'État, mais elles ont commis ce crime d'avoir assassiné la beurette, je le rappelle. Et ça, c'est un crime qu'on ne leur pardonne pas. C'est pour ça qu'elles sont la cible d'une telle violence. C'est pour ça. C'est parce qu'en fait, elles disent d'une certaine manière, donc mon corps appartient à ma communauté, donc ça veut dire qu'elles se dérobent à l'autorité, la grande autorité de la République dont on nous somme d'avoir un rapport religieux avec elle. Il faut se prosterner devant la République, qui nous libère, qui est universelle, etc. etc. Donc, comme on passe notre temps, entre guillemets, à blasphémer, parce qu'en fait, c'est ça. Soit on se prosterne devant la République, et si on ne prosterne pas, on est donc des blasphémateurs. Donc, qu'est-ce qu'elles ont fait, ces filles ? Elles ont blasphémé. Voilà. Par conséquent, nous sommes dans une situation aujourd'hui où ce que je pose là avec des mots, ce ne sont que des mots. Hein. On voit bien que les mots sont importants, comme dirait l'autre. Eh bien, ça crée une situation où, effectivement, ayant d'une certaine manière dévoilé une vérité, dévoilé, bien évidemment, on se retrouve devant ce garçon qui, voyant passer le roi nu, dit « il est nu », alors que tout le monde le voit nu, tout le monde sait qu'il est nu, mais il y a un petit garçon qui dit « il est nu ». Et en fait, c'est ça. On est en train de dire « la République, elle est nue ». On a vu, on a compris. On a compris. Et donc, on ne va pas jouer le truc. Et on ne jouera pas. Donc, en fait, cet exercice, l'exercice qui consiste, par exemple, à dire « mon corps ne m'appartient pas », ce n'est pas dans l'absolu que je tiens à ce qu'il appartienne aux mecs de ma communauté. Ce n'est pas ça. C'est que je tiens à déjà dire qu'il n'appartient pas à la République, à une République raciste, coloniale, impérialiste. Quand je dis ça, ce ne sont pas des mots en l'air. La France, elle est en guerre au Mali. Hein. Elle a détruit la Libye. Donc, je ne suis pas en train de parler de manière abstraite. Donc, je ne veux pas, effectivement, que mon corps appartienne à cette République. Ensuite, dans le projet politique, on verra bien à qui il appartient. On verra bien. Mais, dans l'immédiat, étant donné qu'on ne me donne pas le choix... Parce que ce n'est pas comme si j'avais mis le choix. C'est que si je le laisse appartenir à la République, eh bien, je suis prise dans le piège, en gros, que je vais appeler le piège des ni putes ni soumises. Pour aller très vite, hein, pour aller de manière très schématique. À partir du moment où je dis « il ne m'appartient pas », je dis, un, que je ne joue pas le jeu de l'État, mais je ne joue pas non plus le jeu de la gauche blanche. Même le jeu de la gauche blanche, parce que ce qui libère... Les groupes ou les classes prolétaires, femmes, homosexuelles, des blancs, ce ne sont pas les miennes. Ce ne sont pas les miennes. Je ne fais pas partie de la gauche blanche. Alors, non seulement j'en fais pas partie, d'abord parce qu'elle m'a rejetée, parce qu'on a tenté d'en faire partie, on a compris que finalement on n'en faisait pas partie, d'accord ? Mais je n'y appartiens pas parce qu'on a eu tort de croire qu'on pouvait y appartenir. Et pourquoi on a eu tort de croire qu'on pouvait y appartenir ? Mais parce que tout simplement, les clivages entre gauche et droite, entre réactionnaires et progressistes, entre bourgeois et prolétaires, sont tous des clivages de blancs. Sont tous des clivages de blancs. Et nous, quand on arrive, on est les intrus. On est les intrus. On arrive, on dit, on frappe à la porte, on dit, ouais, on n'est pas du gibier à flic. Est-ce que on a notre place à gauche? Est-ce que vous allez lutter contre les crimes policiers? Est-ce que vous allez lutter contre l'islamophobie? Et en général, sur toutes les questions, à part des franges ultra minoritaires, parce qu'on a toujours eu bien évidemment nos alliés à gauche, on a toujours eu des portes qui se sont refermées derrière nous. Pas parce qu'ils nous ont dit nous, c'est pas ce qu'ils ont dit franchement. On n'a rien à foutre des crimes policiers. Non, c'est pas ça. C'est que les organisations de gauche qu'on ne peut pas non plus toutes confondre. Chez nous, le NPA, ce n'est pas le Parti communiste. Le Parti communiste, ce n'est pas l'ultra-gauche. L'ultra-gauche, ce n'est pas les antifascistes. Bref, tout cela, ils ont les priorités de leur base sociale, ni plus ni moins. Ils ont les priorités de leur base sociale. Et leur base sociale, elle est blanche. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, à un moment donné, comprenant qu'on ne fait pas partie de ce monde-là, eh bien, on a choisi la voie décoloniale. Et la voie décoloniale, eh bien, effectivement, bah, quand on choisit la voie décoloniale, c'est, je le redis, c'est une manière de blasphémer, mais au carré, d'accord ? Eh bien, cette manière de blasphémer fait qu'effectivement, un bouquin comme celui-ci, il peut être préfacé par Cornel West, qui est un grand intellectuel, un des plus grands intellectuels noirs aux États-Unis, mais en France, être voué aux gémonies comme s'il avait été écrit par Hitler. Voilà, c'est ça la situation. Donc, en France, contrairement à ce qu'on prétend, la France n'est pas un pays athée, c'est un pays très, très, très religieux. Très religieux. Il croit à sa République. Il croit que la République, elle est égalitaire. Or, encore une fois, tout à l'heure, je parlais du brouillage. Mais ce brouillage, il est sur les yeux de tout le monde. Parce qu'on nous dit que la République, elle est égalitaire. Mais tous nous, ici, il n'y a pas beaucoup de Français, j'imagine, dans la salle, mais j'imagine que tout le monde sait qu'en France, il y a des riches et des pauvres. Il y a bien des très, très, très riches et il y a beaucoup de plus en plus de SDF et des très, très pauvres. Donc la France n'est pas égalitaire. Donc, qui c'est qui peut croire, du point de vue de la classe? Je veux dire, même pas besoin d'aller chercher les rolandos. Du point de vue de la classe. Du point de vue de la classe, il n'y a pas d'égalité. Et pourtant, à la télé, la France, c'est le pays des droits de l'homme et de l'égalité républicaine. Et pourtant, il y a des millions de pauvres en France. Des millions. Des millions. Donc ça, c'est pas un truc qui... Et tout le monde, psalmodie, hein, les grands dogmes de la France républicaine. Donc voilà. J'ai répondu à ta question. Merci. Mais j'en ai d'autres. Mais je suis prête à répondre. Ben voilà, donc tu affirmes effectivement que la critique radicale du patriarcat indigène sera un luxe, et tu poses comme condition la nécessité stratégique d'engager avec les femmes indigènes une réflexion commune sur la masculinité, un travail que tu décris comme un travail d'orfèvre, tant c'est très minutieux, c'est très fragile, mais il faut l'engager. Donc ce sont, si je comprends bien, les premiers alliés dans la libération de ta condition de femme indigène, en tout cas. Et du coup, dans la même idée, tu affirmes qu'il n'y a pas de sororité dans l'absolu. Dans l'absolu, il n'y a pas de solidarité par nature qui existerait entre l'ensemble des femmes de la planète, en tout cas pas dans le contexte d'une société hiérarchisée racialement. Et d'ailleurs, pour s'en convaincre, tu fais un petit peu référence à cette question, enfin cette affaire de foulard, encore et encore elle, qui a divisé, comme tu disais Malika, le courant hégémonique mainstream des féministes. Et c'est justement là la démonstration qu'il n'y a pas de sororité, parce que la majorité de ces féministes qui ont rejeté, qui étaient pour ces dispositions législatives anti-voile, elles ont fait finalement un choix de race plutôt qu'un choix de genre. Elles n'ont pas été solidaires des femmes musulmanes en tant que femmes, mais elles ont fait le choix de la race, elles ont été solidaires de ces hommes blancs, elles ont posé un choix racial. Voilà. Alors je vais inviter effectivement le public à poser les questions par la suite. Donc maintenant on est plutôt dans un échange avec Malika et Huria, mais dans une deuxième partie, si vous avez des questions, évidemment elles sont tout à fait disposées. Il y aura une séance de questions-réponses avec le public. Elles sont tout à fait disposées à apporter les éclaircissements nécessaires à ce moment-là. Voilà, mais donc ça fait aussi référence à cette question de la sororité, puisque toi, tu l'évoquais. D'abord, Horia, et puis toi, si tu veux réagir, évidemment, là-dessus. Bah, oui, on est devant un mythe. Mais c'est curieux, parce que je ne connaissais pas la phrase de Beauvoir, qui est très intéressante. Finalement, elle l'avait déjà dit, je ne le savais pas. Mais elle l'a déjà dit. Dans le deuxième sexe. Donc, il faudrait que tu me donnes, redonnes les références, que du coup, je vais l'utiliser. Mais je ne savais pas qu'elle avait dit ça. C'est très intéressant. Donc, elle dit qu'elle disait, donc, si je comprends bien, que les femmes blanches ont fait elles-mêmes des choix de race. Hein, elles ont fait le choix des hommes blancs. Moi, je crois effectivement qu'il y a un mythe de la sororité. Et je pense que l'entrée genre, précisément, c'est une mauvaise entrée. C'est une très mauvaise entrée. Et qu'est-ce qui sépare les femmes du monde plus que le racisme, c'est l'impérialisme. C'est-à-dire les femmes, si les femmes blanches sont blanches, c'est parce qu'elles bénéficient du rapport impérialiste. Elles bénéficient du rapport de domination historique et actuel du pillage du Sud. À partir du moment où ce pillage, il se transforme, parce qu'il ne s'agit pas simplement de dire c'est pas simplement un confort matériel, c'est la démocratie, c'est les droits de l'homme, c'est des droits, c'est les droits syndicaux. C'est le droit de faire grève. C'est le droit, c'est les droits au chômage. C'est les congés payés. Donc tout ça, c'est bien des droits que les femmes elles ont également. Donc quel rapport entre ces femmes-là d'Occident qui bénéficient à tous les niveaux du pillage et nous, hein, avec, hein, je veux dire, là on est blanchis de ce point de vue-là, avec les femmes du Sud. Alors là, si on me dit qu'il y a une sororité, mais les bras m'en tombent. C'est juste incroyable. Voilà, encore, là, c'est des choses. Quand on réfléchit d'un point de vue matérialiste, je reviens à la question du matérialisme. Là, je parle impérialiste, je parle de pillage, je parle de l'industrie de l'armement. Je parle de choses très très très très concrètes. Hein, je parle des guerres qu'on fait. Je parle de la déstabilisation des États du Sud. Eh bien, que ça ne rentre pas en ligne de compte pour définir les femmes du Nord. Je suis désolée. Donc on ne peut pas mettre sur le même plan, on ne peut pas utiliser, considérer que l'entrée genre, elle est pertinente. C'est faux, c'est archi-faux. Et de ce point de vue-là, il y a plus de liens entre un homme du Sud et une femme du Sud qu'entre une femme du Sud et une femme du Nord. C'est aussi simple que ça. Et pourtant, ils n'ont pas le même genre dans les pays du Sud. D'accord ? Donc, une anecdote que j'ai déjà eu l'occasion de raconter, je me retrouve il y a quelques années dans un colloque féministe au Maroc, organisé avec les fonds de l'Europe, je ne sais pas quoi, etc., avec des féministes des pays du Sud, et je mets féministes entre guillemets, parce qu'il faut bien comprendre que les femmes du Sud, quand elles veulent avoir du soutien financier de la part de l'Europe, il faut qu'elles s'identifient aux féministes, qu'elles se disent féministes, pour pouvoir récupérer du fric. Parce que si elles disent « Non, nous, on veut lutter contre l'Occident, ben non, on ne va pas leur donner de l'argent. » Par contre, être féministe, être contre l'islam, elles ont du fric. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de la perversité, qui fait que des femmes vont devoir s'ajuster, s'adapter aux normes de ce que leur impose l'Europe pour pouvoir récupérer. Mais en même temps, c'est aussi, du coup, un discours qui s'entretient sur le Sud, sur les violences que subissent les femmes par les hommes, etc., etc. Ce, encore une fois, ce qui n'est pas faux, mais qui est loin de dire la réalité de l'oppression de l'État marocain, par exemple, sur, sur le peuple marocain. Voilà. Ou, mais pareil pour l'Algérie, la Tunisie, le Mali, tout ce que vous voulez. Donc, disais-je, j'étais dans ce colloque féministe, il y avait des femmes marocaines, des femmes subsahariennes, et pas mal de blanches. Et à un moment donné, t'as une femme blanche qui propose de faire une grande marche dans les rues de Tanger, parce qu'on était en Tanger, féministe. Donc, elle comprise dans la marche. Donc, j'ai poussé des grands cris, j'ai dit quoi ? Je veux dire, c'est hyper scandaleux pour moi que ces femmes puissent considérer, et c'est ça qui rend possible le confort moral de pouvoir se dire femme. À partir du mot femme, elles considèrent qu'elles peuvent marcher dans la rue avec des Maliennes et des Marocaines contre des hommes marocains. Alors que les hommes marocains, ils n'ont pas de passeport, ils ne peuvent pas bouger de chez eux, ils vivent sous la pression de l'État marocain, ils ont très peu de droits politiques et civiques, mais elles ont tous ces droits et elles estiment qu'en tant que femmes, elles ont le droit, elles sont même légitimes à marcher dans les rues de Tanger contre les hommes marocains. C'est juste invraisemblable. Donc l'entrée genre, stop. Stop. C'est, y a quelque chose qui... Soit on a une pensée qui est structurelle, qui est fondée sur les rapports de force... les réels rapports de force. Et là, on y voit clair, soit c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Voilà. Donc oui, je ne crois pas à la sororité. Je n'y crois pas. Je ne crois pas non plus à la sororité ici. Je n'y crois pas. Je crois à des projets politiques où on puisse définir des buts communs et lutter contre. Voilà. Et là, à la limite. Mais ce que je veux dire, c'est que la fraternité ou la sororité ne sont jamais des postulats de départ. Ce sont eux-mêmes des projets. Là, aujourd'hui, on n'est ni frère ni sœur. On n'est pas ça. On peut le devenir. Voilà. Et quand on n'est pas raciste, et quand on n'est pas hitlérien, précisément, et qu'on pense que les blancs sont des produits de l'histoire, comme nous-mêmes, nous sommes des produits de l'histoire, eh bien, nous savons qu'un blanc n'est pas intrinsèquement blanc. On sait que c'est le pouvoir qui le fait blanc. Et donc, précisément, si on pense qu'une fraternité est possible, c'est parce que rien, parce qu'on n'est pas des hitlériens et que rien n'est dans les gènes. Tout est dans le pouvoir et dans l'histoire, et dans les rapports de force. Donc oui, la fraternité est possible. Oui, la sororité est possible, mais sur la base d'un projet politique de libération générale. Comment ? Il faut le définir, évidemment. Bah, donc on est d'accord, alors, Aurélien. Finalement, on est d'accord avec cette solidarité, cette sororité. Alors, je pense que ce qui nous a peut-être un petit peu clivé ou différencié, c'était sur la compréhension même qu'on avait de ce concept de sororité, de solidarité. Lorsque l'on parlait de solidarité, lorsqu'on parle encore aujourd'hui de solidarité, c'est vrai que ce rapport de domination, il a longtemps été questionné par les féministes musulmanes dans les courants féministes blancs, dans les courants féministes mainstream, etc. La question de la blanchité, le concept de blanchité a été questionné. Y compris la question jusque dans les cercles académiques, justement, où la question de la hiérarchisation de cette matrice des oppressions a même été questionnée par certaines féministes musulmanes. Et donc, moi, j'ai l'impression que ce qui s'est passé sur le terrain, c'est qu'une fois qu'on avait mis à plat tout ça, une fois qu'une réflexion avait été menée entre féministes musulmanes, parce que ça, j'ai oublié d'en parler j'en parle pas dans la thèse, mais j'en ai parlé dans mes enquêtes de terrain, c'est que les féministes musulmanes, elles ont développé ce qu'on appelle ces brothers space, ou ces safe space, comme vous voulez, en tout cas ces plateformes de réflexion entre femmes musulmanes, où elles ont pu mettre à plat différentes problématiques qu'elles vivaient, des choses qu'elles voulaient débattre entre femmes musulmanes elles-mêmes. Une fois que tout avait été mis à plat, alors il y a eu la possibilité de sortir, d'émerger et de réfléchir à cette coalition. Alors pour moi, la solidarité, c'est surtout ça. C'est une coalition d'activistes et de penseurs sur des projets communs. Donc nous, quand on parle de solidarité féministe, ou dans le prochain bouquin, quand je parle de cette solidarité féministe, de cette typologie de féministe musulmane qui se revendique comme solidariste, c'est dans cet état d'esprit-là. Il est évident qu'une femme qui n'a pas vécu mes oppressions ne peut absolument pas être en empathie avec ce que je vis. Et je pense que là où tu parles de fraternité, c'est surtout de se mettre à la place de, peut-être que je me trompe, mais se dire, je suis à la place de celle qui vit cette oppression, comment est-ce qu'elle la vit? Évidemment que ce ne sera pas possible. Une féministe dite blanche ne pourra absolument pas se mettre dans la peau de celle qui vit l'oppression. Et donc cette fraternité-là, je ne pense pas qu'elle est possible, mais en plus, au-delà de ça, c'est que je ne pense pas que les féministes musulmanes, pour parler du cas des musulmanes, cherchent cette solidarité-là. Je ne pense pas qu'elle se situe au niveau de l'empathie des oppressions qu'elles vivent, mais plus en termes effectivement de projets politiques. En termes de, on le vit au niveau européen, prenons l'exemple du projet européen lancé par l'ENAR, Forgotten Muslim Women. Hein. Donc moi, j'ai fait partie du steering committee et l'idée, c'était ça, c'était de mettre en coalition les mouvements antiracistes, les mouvements féministes avec les femmes musulmanes pour aller vers cette égalité entre les gens et pour lutter contre toutes les formes de discrimination. Donc là, on est bien sur le registre d'un projet politique qui est pensée avec des acteurs politiques, sociaux, féministes et autres, pour aller vers cette reconnaissance. Et alors, pas seulement des féministes musulmanes, mais de toutes les femmes minorisées qui sont aujourd'hui victimes de discrimination. Donc là, on est d'accord qu'il y a une solidarité qui est possible. Hein, Ouria ? Tu es d'accord ? On est bien d'accord. Donc moi, ça a toujours été en termes de projets sociopolitiques lorsque j'ai parlé de cette solidarité. La solidarité sous l'angle de la fraternité, personnellement, je ne l'attends pas. Et je ne l'espère même pas. Parce que je ne pense pas qu'on puisse y arriver. D'ailleurs, on a eu souvent ces débats dans des, avec des femmes. Mais même quand on était dans le collectif des Féministes pour l'égalité, tu te souviens, on se retrouvait à débattre de la question du port du foulard, et puis certaines féministes d'une autre génération, parce qu'il y a aussi la, toute la question générationnelle des féministes. On voit bien que la génération des féministes, certaines en tout cas féministes d'une soixantaine d'années, il n'y en a que très peu qui se sont remises en question. Et nous, en Belgique, on en a certaines qui sont courageuses, qui se sont remises en question et qui sont pointées du doigt dans leur cercle féministe. Puis la jeunesse qui est en, la génération, notre génération, sont beaucoup plus ouvertes à l'idée, simplement, pour prendre l'exemple du foulard, à des femmes qui puissent porter le foulard et faire ce qu'elles souhaitent de leur propre corps. Ce qui est moins le cas à la génération du dessus. Mais moi, je n'attends pas d'une féministe dite blanche d'être totalement en empathie avec ce que je vis, avec la manière de la manière dont je ressens cette oppression qui est symboliquement et physiquement violente. Bah, en fait, il y a peut-être une chose que je n'ai pas dite et qui manque de clarté, peut-être, et qui permettrait de, qu'on se comprenne, en fait. Moi, je... C'est-à-dire que j'ai d'abord, avant toute chose, le besoin de questionner le concept de féminisme. Avant même de savoir si c'est légitime ou pas légitime, si un féminisme islamique ou pas, ou un féminisme décolonial ou pas, un afroféminisme ou pas. C'est-à-dire qu'avant même de m'engager là, je pense que une réflexion décoloniale nous oblige à penser, à questionner le féminisme en tant que tel, la pertinence du féminisme en tant que tel, et le paradigme dans lequel il est, pour ensuite se déterminer si oui ou non il faut aller dans cette direction. Et mon point de vue, et qui est un point de vue décolonial et toujours matérialiste, c'est que le féminisme est un phénomène qui est né dans un temps donné et dans un espace donné. L'idée que le féminisme déjà est universel est incongrue. Incongrue. Sauf que, encore une fois, notre vie ayant été modelée depuis 500 ans par une pensée hégémonique qui naît en Occident et qui nous l'impose, on prend le féminisme, par exemple, comme un fait tellement supérieur qu'il n'est pas questionnable. C'est une jauge. Et on doit tous s'adapter à cette jauge. On doit juste prouver notre proximité ou pas avec cette jauge, avec cet étalon. Tu comprends ? Donc moi, j'ai un problème, d'un point de vue décolonial, avec ça. Pourquoi ? Parce que considérer que c'est une jauge, c'est objectivement faire de tout ce qui sort de l'Occident quelque chose d'une supériorité morale. Or, dans toute l'humanité, elle est vieille. Elle est ancienne. 500 ans, c'est chi, c'est que dalle. Avant 500 ans, il y avait plein de rapports et des formes de rapports entre les genres et sûrement plein de rapports politiques émergents des rapports de genre qui n'ont rien à voir avec le féminisme, qui ont à voir avec les formes qui existaient. Donc, déjà, le considérer comme un absolu, déjà, pour moi, ça me pose un problème. Ça c'est vraiment le béaba. Ensuite, quand je vois, du coup, mes sœurs musulmanes, effectivement, se plier en quatre, suer pour prouver que l'islam est féministe, je me dis, mais il y a un problème. Pourquoi l'islam devrait-il être féministe ? Je me pose la question. Parce que ça, c'est... Chacun a le droit de penser ce qu'il veut là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que le féminisme, pour moi, et c'est pour ça que c'est ça le travail matérialiste que moi je tente de faire, notamment dans ce bouquin, c'est que je m'intéresse à savoir pourquoi le féminisme est né, pourquoi et dans quelles circonstances. Oh, et je dis, je pense, de mon point de vue, on peut le débattre du coup, qu'il est né dans la construction des États-nations, des États démocratiques, qui eux-mêmes sont nés dans le mouvement impérial. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de féminisme sans l'idée d'égalité citoyenne. Pourquoi il y a du féminisme ? Parce que les hommes étaient au-dessus des femmes. Mais dans quel contexte ? Dans celui de la Révolution française. Mais la Révolution française, elle n'est pas née n'importe où, n'importe quand comme ça. Elle est née, il y avait déjà la découverte de l'Amérique, il y avait déjà l'esclavage, il y avait déjà énormément de richesses qui venaient des pays qui ont été, des peuples qui ont été génocidés. Et là, donc, ce que je veux dire, c'est que ces États naissants qui vont faire naître nos républiques libérales, démocratiques, etc., elles se sont faites dans une marche historique. Les femmes, elles ont, de ces pays-là, qui ont bénéficié de ce pillage, à leur niveau, parce que ça ne veut pas dire qu'elles étaient riches, pas du tout, elles étaient très pauvres, tout le monde était très pauvre, c'est pas la question. Mais les hommes ont gagné de ce rapport historique avec le reste du monde, et les femmes, elles ont dit, nous aussi, on veut notre part. Pourquoi les hommes et pas nous ? Mais ça s'est fait dans le cadre des États-nations qui se sont créés, qui ont eux-mêmes été des pièces importantes dans la structuration du monde moderne. La structuration du monde moderne, c'est des États-nations avec des bourgeoisies nationales qui pillent le monde, mais qui se trouvent d'une certaine manière dans l'obligation de rétribuer les peuples européens pour pouvoir mieux piller les autres. Donc ça veut dire qu'il faut instaurer une complicité. Il faut instaurer une complicité. Et ça, la complicité, c'est encore une fois, c'est les droits démocratiques, c'est un tas de choses, dont l'égalité citoyenne. Et donc les femmes, dans ce contexte-là, elles disent, nous, on supporte pas de faire le ménage. Nous, on supporte pas d'être en dessous des hommes. Et pourquoi eux, ils ont des droits et pas nous ? Donc, ce que je veux dire par là, très concrètement, c'est qu'il faut le resituer dans une histoire, arrêter d'avoir cette espèce de subjugation pour le féminisme ou quoi que ce soit, pour simplement le resituer, pour en faire un phénomène historique. Et quand on en fait un phénomène historique, moi je dis, c'est tout à fait normal que les femmes blanches veuillent l'égalité. J'ai aucun problème avec ça. C'est une réalité que les femmes blanches sont opprimées. C'est une réalité. Les salaires, le fait que les violences, la retraite, les tâches, le pouvoir, l'accès au pouvoir, tout ça est absolument vrai. Absolument vrai. Mais dans le même mouvement, elles ont participé de l'oppression du monde et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas confondre les femmes blanches avec le reste du monde. À cause, encore une fois, des droits et du pouvoir concret qu'elles ont dans une situation concrète. Quand on a dit ça, quand on a dit tout ça, que le féminisme, il est là, j'ai plus besoin d'aller raconter que l'islam est féministe. J'ai pas besoin. Parce que les rapports de genre à l'époque du prophète, alayhi salam, c'était d'autres rapports de genre. C'était d'autres manières d'être avec les hommes. Et je prends d'autres exemples. Aujourd'hui, par exemple, en Inde, par exemple, le fait d'être une dirigeante politique en Inde est quelque chose de tout à fait normal. C'est pas du tout quelque chose d'incongru comme en Europe. Les femmes qui dirigent, je veux dire, Benazir Bhutto, par exemple, c'était au Pakistan, peu importe, mais dans cette région-là, les femmes de pouvoir, ça n'a rien d'incongru, c'est tout à fait normal. Et nous, on regarde ça comme si c'était quelque chose d'extraordinaire, ça n'est pas le cas. Et pour autant, elles ont donc un pouvoir, pour autant, la condition des femmes en Inde, elle est, ou au Pakistan, peu importe, elle est catastrophique. Donc il n'y a pas nécessairement un rapport entre le pouvoir réel que peuvent avoir beaucoup de femmes et la situation réelle des femmes. Ce que je veux dire, c'est que tout doit se penser en contexte. Tout doit se penser en contexte. Et je me refuse pour ma part à aller chercher les preuves d'un féminisme à l'époque du prophète quand on ne prend pas la peine d'analyser quels étaient les rapports sociaux de genre. Est-ce que les genres étaient réellement ce qu'ils sont aujourd'hui par l'œuvre du capitalisme ? Parce que les rapports de genre aujourd'hui sont le produit du capitalisme, par exemple. Sont les produits du capitalisme. Donc aujourd'hui, je veux bien. Simplement, comme le capitalisme n'existait pas à l'époque, les rapports de genre étaient nécessairement autre chose. Donc on ne peut pas appliquer des phénomènes nouveaux, modernes, à une situation d'avant. Tout ça pour dire que ça ne sert à rien de perdre son temps à prouver que l'islam est féministe ou ne l'est pas. Il est ce qu'il est en dehors des paradigmes de la modernité d'aujourd'hui. Il était ce qu'il était, point. Je n'ai pas besoin de savoir s'il était féministe ou pas. Il était ce qu'il était. Mais aujourd'hui, par contre, et du coup, j'en arrive à la question de la question que tu poses, qui est une vraie question, un féminisme musulman ou pas, effectivement, aujourd'hui, la modernité étant partout, je veux dire, on ne peut pas aujourd'hui dire que ça n'existe pas, la modernité étant un phénomène absolument global, les rapports de genre étant largement déterminés par les rapports de production, par les rapports impérialistes, par un tas de choses, par les États nations qui se sont constituées après les indépendances, parce qu'on n'a rien trouvé de mieux à faire que copier la France, évidemment, en créant des États-nations comme les Français, comme les Européens. On a fait la même chose, la même connerie, qui fait qu'aujourd'hui, il y a des problèmes entre les Kabyles, les Arabes, etc. C'est à cause de cette histoire-là. Il faut quand même revenir aux raisons pour lesquelles aujourd'hui les États-nations ont produit des peuples inférieurs, en fait, hein, les Berbères, les Kurdes, tout, à cause des États-nations. D'accord ? Eh bien, tout ce qu'on doit aujourd'hui gérer, c'est à cause de cette modernité-là. Donc, aujourd'hui, effectivement, il serait vraiment mais malhonnête de refuser de voir l'oppression des femmes des pays du Sud. Elle est absolument terrible. Elle est terrible. Donc, du coup, on en vient à la nécessité ou pas d'un féminisme décolonial, parce que là, c'est une vraie question. Les rapports de genre sont absolument à interroger. Et je reviens à l'extraordinaire James Baldwin, que je cite dans ce livre, qui, lorsqu'il débat avec Audre Lorde, féministe noire, et qu'elle lui dit, et qu'elle lui exprime sa révolte de femme noire qui vit le racisme de l'État, mais qui vit aussi le sexisme de la communauté, lui, il lui répond avec une grande sagesse et un grand recul. Et à mon avis, il a raison et il faut le suivre. Il dit, si tu veux transformer l'homme noir, il faut transformer l'Occident. Tu veux transformer l'homme noir, il faut transformer l'Occident. Et on en est là. C'est là actuellement. On veut les Arabes, les hommes noirs, et les Arabes, les hommes de nos communautés, c'est des balourds, c'est des violents, c'est des enfoirés. Oui. Si on veut les transformer, ça ne sert à rien de faire la bataille entre nous deux et de continuer une bataille qui va nous pourrir les uns et les autres. Il faut identifier la source de la violence de cet homme-là. Il faut l'identifier. C'est ça un féminisme décolonial. Un féminisme musulman. D'ailleurs, j'ai bien aimé l'idée de féminisme musulman plutôt qu'islamique, puisqu'il parle, j'ai compris que tu voulais parler des musulmans d'aujourd'hui réels, les musulmans réels. Je suis absolument d'accord. Un féminisme musulman, eh bien, il doit effectivement prendre en charge la question épineuse de la condition des femmes, qui est absolument terrible, oui, mais en ayant une perspective décoloniale qui est d'identifier la source de la violence. Voilà. Et effectivement, il me semble que c'est une erreur d'aller chercher les sources de la violence dans les écrits du Coran, plutôt que, s'il s'agit des pays du Sud, dans les États autocrates qui dominent et qui oppriment les peuples du Sud et qui sont objectivement des alliés occidentaux, d'accord ? Et en ce qui nous concerne ici, pareil, identifier la République ou la monarchie. J'ai toujours du mal à dire la monarchie. Je sais pas pourquoi, j'ai pas l'habitude. La monarchie parlementaire qui institutionnalise les rapports de violence. C'est ça une approche décoloniale et un féminisme musulman, oui à 100%. Oui à 100%. Ça fait écho, je pense, à certaines choses que tu dis dans ton livre, en tout cas certaines idées qui sont développées par les figures féministes que tu présentes. Effectivement, le questionnement du paradigme de la modernité. Kouria vient d'évoquer, donc elle dit il faut pouvoir le questionner parce que sinon, si on y adhère de manière aveugle, on est condamné à une démonstration, comme ce que tu viens de dire, dans un débat dont les termes finalement sont imposés par d'autres. Et ça fait écho à certaines choses qui sont dites par les figures féministes comme Amina Wadud, qui disait nous, on ne veut pas être des occidentales modernes, on veut être des musulmanes modernes. Donc du coup, elle questionne l'Occident, mais sans questionner la modernité en tant que telle. Ça fait écho également à ce que Asma Barlas fait comme travail, qui, quand elle dit « je cherche à montrer que le Coran n'est pas misogyne », donc effectivement, elle est dans cette démonstration-là. Donc comment est-ce que toi, tu te positionnes par rapport à ces points de vue ? Comme le soulevait un petit peu Ouria, avant que tu cites ces intellectuels-là, c'est que moi, je crois qu'il ne faut absolument pas... Je n'essentialise pas le féminisme, comme je n'essentialise pas l'islam dans ma lutte. C'est-à-dire que tu as raison de dire que on a des femmes aujourd'hui musulmanes qui absolument doivent se justifier d'appartenir à tel ou tel courant féministe ou simplement d'accepter et d'adhérer à ce label de féministe. Moi, personnellement, je ne suis pas là, et je l'ai dit, je crois, hein, je ne sais pas si je l'ai dit, que de la même manière que ça me saoule de me justifier sur la question du foulard, c'est la même chose sur la question du féminisme. Je l'ai dit, le féminisme, pour moi, n'est pas une fin en soi. Cela étant, le féminisme peut être un projet théorique qui nous... Dans le féminisme, il y a les outils méthodologiques et conceptuels pour développer, par contre, une nouvelle méthode d'approche des textes. Puisqu'on le disait, la question du féminisme musulman, c'est surtout la relecture des textes. Aujourd'hui, aucun savant, ni aucun intellectuel digne de ce nom, n'a développé cette méthode d'approche interprétative des sources. Dans l'ouvrage, je parle de l'émergence d'une herméneutique féministe musulmane, où je prends justement la combinaison d'approche des textes d'un Paul Ricoeur combiné à l'approche de Fazlur Rahman. Là encore, je vous renvoie à l'ouvrage, mais ce sont des méthodologies d'approche qui n'ont pas encore été avalisé, j'ai envie de dire, par les hautes sphères religieuses. Aujourd'hui, on n'a aucune sphère religieuse de El-Azhar ou dans le monde chiite qui a avalisé une nouvelle méthode d'approche. Cela étant, dans le féminisme, il semblerait qu'il y ait des méthodes qui pourraient permettre de développer cet angle d'approche, cette nouvelle réinterprétation des textes. Mais sur la lutte sociopolitique, je ne pense pas qu'il faille absolument essentialiser le féminisme. C'est pour ça que je le disais, moi, je ne le vois pas et je ne le vis pas comme une fin en soi. Mais il y a un autre point que je voudrais soulever et relever. C'est vrai, Ouria, tu as raison de dire que chez les dites blanches, entre guillemets, etc., il y a cette vision, cette approche, etc. Tout ce que tu as soulevé, tu as raison. Mais je crois quand même qu'il faut aussi relever, et ça c'est ces dernières années, là c'est mon expérience sur le terrain hein, qui me fait sursauter de voir ça, c'est la complicité de nos femmes musulmanes, Ouria. Et ça c'est vrai ces dernières années. De la même manière qu'il y a eu un rapport de domination avec les féministes dites blanches, aujourd'hui moi je vis un rapport de domination avec des femmes musulmanes. Qui me renvoie, ou on l'a vécu en Tunisie, au Forum social mondial, où des Tunisiennes se sont insurgées du fait que je parle d'un féminisme musulman. Et ici, en France ou en Belgique, on a, que ce soit de Leïla Slimani à d'autres, où on a ce nouveau profil qui est en train d'émerger et qui véritablement nous font nous émerger comme des femmes complices de notre subordination. C'est l'islam politique, c'est l'Alab, proche des frères musulmans. Donc, tant qu'on défend... Quand on ne défendait pas, comme je l'ai souvent dit, quand on ne défendait pas, qu'on prenait pas la parole, on nous accusait d'être complices. Et puis maintenant qu'on prend la parole, on nous accuse d'avoir un agenda politique. Mais souvent, la source qu'il faut identifier, ce sont parfois les femmes musulmanes de culture musulmane et même des femmes voilées. Hein. Je ne te parle pas simplement, je te parle même de femmes voilées. Donc là, moi, aujourd'hui, ma lutte, c'est de dénoncer aussi celles-ci qui sont en train de créer plus de débats que de ne faire avancer notre propre cause. Encore invisibles, mais qui sont en train de se frayer un chemin. C'est sournois ce qui est en train de se passer actuellement. Tu parlais, Ouria, aussi dans ton intervention juste avant, donc de la façon dont le féminisme blanc a pu contribuer à renforcer les rapports de domination du Nord sur le Sud. Mais c'est aussi, me semble-t-il, un rapport de domination économique, politique, civilisationnel, mais aussi genré à l'échelle globale. Et ça, je fais référence de façon très matérialiste aussi à la sortie du foyer des femmes en Occident, à la participation à l'activité salariale, du travail salarié des femmes en Occident et en Europe et dans le monde occidental de manière générale, qui n'a pas pu être garante donc, d'une répartition égalitaire des tâches au sein de la sphère domestique. Et finalement, qu'est-ce qu'on observe, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'il y a eu une sous-traitance de ces activités à des travailleurs et en l'occurrence à des travailleuses qui sont, voilà, qui viennent, qui sont issues soit des migrations passées, soit des migrantes actuelles, donc qui viennent des pays du Sud, pour pouvoir exercer. Exactement. Et donc finalement, la dénonciation de la répartition genrée des tâches à l'échelle locale a généré une répartition genrée de l'activité, mais à une échelle globale. Et donc, les pays du Sud remplissent finalement le rôle que la femme occidentale remplissait à l'époque quand elle ne travaillait pas. Donc, comment sortir de ça, finalement ? Ça renvoie à ce que tu as déjà dit. Ça revient à ce que j'ai dit, j'ai voilà. Rien à ajouter, c'est clair. Ok, tu es d'accord aussi ? Parfait. Alors j'avais une dernière question, mais c'est la question, quand on parle effectivement du féminisme décolonial, ça fait écho quasi de façon automatique à ce concept d'intersectionnalité que Malika, tu évoquais. Tu as évoqué Sirma Bilg, effectivement, qui est assez critique. En tout cas, elle dit, c'est un concept qui a eu une utilité lorsqu'il était porté par les femmes issues des minorités, des femmes noires, par exemple, aux États-Unis, issues des minorités non blanches. Mais à partir du moment où ce concept il entre dans les universités, quand il devient une discipline académique, quand il entre dans les institutions, puisque maintenant on parle à l'ONU aussi d'intersectionnalité, c'est à la mode, On évacue finalement toute la portée politique qui était à l'essence de ce type de concept. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas un risque de blanchissement de l'intersectionnalité, donc qui a une utilité sans doute dans des contextes particuliers? Est-ce qu'il y a un risque de blanchissement de l'intersectionnalité? Est-ce que ce n'est pas un concept qui va devenir un concept de diversité, de promotion de la diversité, comme on connaît, plutôt que de parler de lutte, d'égalité, de lutte contre les discriminations, on parle de promotion de la diversité, mais de la même manière, plutôt que de parler des rapports de domination raciale, impérialiste, etc., on va parler d'intersectionnalité pour finalement noyer toutes ces questions-là. Commencer. Comme je l'ai dit, bon, pour moi, c'est un peu un concept valide, valide. C'est un concept valise. Pour moi, le concept d'intersectionnalité, quand la grille d'analyse était portée par celles qui ont vécu cette matrice des oppressions, il faisait sens. Aujourd'hui, effectivement, ce que je constate, c'est que au niveau académique, il est promu. Au niveau européen aussi, de plus en plus, c'est très fashion de parler d'intersectionnalité. Mais c'est un petit peu comme des lois. Quand on n'a pas d'autres mots ou quand on n'a pas d'autres concepts, on utilise des anciens concepts à la mode qui ont été produits finalement par ceux qui ont été les premières victimes de ces oppressions. Moi, ma position, elle est celle d'Elsa Dorlin. C'est-à-dire que le concept d'intersectionnalité, il n'est pas transposable en Europe francophone. Alors moi, j'ai écrit pas mal contre l'intersectionnalité. En faisant une distinction entre le fait que c'est un outil d'analyse, et là je le reconnais comme étant un outil d'analyse, mais pas un outil de mobilisation politique. Voilà. Et de ce point de vue-là, effectivement, c'est là où moi ça me paraît extrêmement problématique, et j'ai pas envie de rentrer dans des explications théoriques. J'ai simplement envie de dire, là, pour rester vraiment la plus pragmatique possible, ce qui m'intéresse en tant que militante politique, c'est les effets concrets d'un concept. C'est-à-dire, c'est quoi son expression politique sur le terrain? Il n'y a pas de mouvement intersectionnaliste sur le terrain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir 10 000 personnes dans la rue sur la base d'un slogan, d'un mot d'ordre intersectionnaliste qui dirait, par exemple, libérons libération de race, de genre, de classe et de sexualité. Pour aller très vite. Si tu dis ça, tu vas dans un quartier en France, tu dis, on veut se libérer de l'oppression de genre. Donc, combat féministe. L'oppression de classe, combat de classe, de gauche, combat féministe, LGBT, et je ne sais pas ce qu'il manque, il manque quelque chose, hein ? Non, de race, donc race, genre, classe et orientation sexuelle, voilà. Si tu arrives, tu as zéro personne dans la rue. Tu as zéro personne dans la rue. Personne ne comprend ça. D'accord ? En revanche, notre manière décoloniale d'appréhender les choses, qui consiste à tout simplement se mettre à la place des gens et simplement observer les revendications de pendant 30 ans. C'est quoi les revendications pendant 30 ans dans les quartiers ? Prioritairement, c'est le rapport à la police. Donc, quand on comprend ça, on sait que les gens ils ont des priorités. C'est tout. On l'a pas inventé, on l'a observé pendant 30 ans. Les questions économiques, mais la police, c'est un concentré de tout. C'est un concentré de tout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas simplement qu'on n'a pas de travail, c'est qu'on peut mourir. Donc c'est vraiment, c'est beaucoup plus que la stricte lutte des classes. Là, on est dans un rapport extrêmement violent avec l'État. Et les gens des quartiers, en France en tout cas, la première chose qui revient depuis 30 ans, c'est le rapport à la police et c'est le racisme. Et l'impérialisme. C'est-à-dire que Gaza, la Palestine. C'est des choses qui font sortir les gens dans la rue. Quand on fait une manifestation avec ces mots d'ordre, on l'a fait, on l'a expérimenté avec les deux marches de la dignité à Paris, on a eu une première fois 10 000 personnes, on a eu une deuxième fois 20 000 personnes. C'est aussi simple que ça. Donc moi, ma question, les concepts ne m'intéressent pas, c'est quoi leur effectivité sur le terrain? Et si ça ne marche pas, c'est pour toutes les raisons qu'on a dites. Toutes les raisons qu'on a dites. C'est-à-dire qu'en fait, il faut arrêter d'être dans une espèce d'idéalisme qui consisterait à dire, d'un point de vue, mais vraiment, là encore une fois, religieux. J'ai écrit même un article qui s'appelle « Race, classe, genre, une nouvelle divinité à trois têtes ». Donc là, faut se libérer des hommes, faut se libérer de l'oppression hétérosexiste, tu vois. Alors, dans les quartiers, je ne m'aventurerai pas sur ce chemin. Je ne m'aventurerai pas là. Mais pourquoi je ne m'aventurerai pas? Pas parce que je pense à une essence homophobe des gens qui vivent dans les quartiers. C'est pas ça du tout. C'est que précisément parce que pendant l'ère coloniale et pendant le présent néocolonial, on a tenté de séparer les hommes et les femmes. Hein ? Et la réaction aujourd'hui, c'est le moment, je parle du moment, encore une fois, je ne parle pas d'il y a 150 ans ou il y a 300 ans, je dis aujourd'hui, c'est pour ça qu'on tient à parler d'espace-temps. Je m'explique, je prends un peu de temps parce que c'est juste un peu compliqué. Les espaces-temps de la gauche progressiste ne sont pas nos espaces-temps à nous. C'est-à-dire que le progressisme blanc ne peut absolument pas s'accorder avec nous parce qu'effectivement, à gauche, on pense des questions du genre féministe, du genre le dépassement du genre, par exemple, le dépassement du genre, ni homme ni femme, etc., etc. Mais dans notre espace-temps à nous, quand on s'observe socialement, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une réaffirmation du genre. Le processus qui est en cours, c'est une réaffirmation. Le voile est une réaffirmation du genre féminin qui, lorsque une femme porte le voile et qu'elle exprime l'appartenance à son genre social, elle dit deux choses. Elle dit « je suis une femme » et elle dit à celui qui est en face d'elle « tu es un homme ». C'est ça qu'elle dit, c'est-à-dire qu'elle réaffirme les hommes dans leur virilité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce rapport de réaffirmation du genre... Pour moi, j'ai un rapport extrêmement neutre avec ça. Je ne suis pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien. Et de la même façon que Daesh, dans une vision très extrême, est aussi un projet de réaffirmation des genres. Absolument, mais c'est pour ça. Non, mais précisément. Vrai. Non, mais justement, je l'abordais là, ici. Parce que ça, c'est des questions hyper intéressantes. Quand nous, on réaffirme le genre, mon rôle à moi, ce n'est pas de dire c'est bien ou c'est pas bien. Parce que dépasser le genre, ce n'est pas en soi bien ou pas bien. Tout dépend, encore une fois, du contexte dans lequel on est. Quand nous, on réaffirme le genre, c'est parce que le genre masculin, et j'en reviens du coup, je reviendrai à la question, quand le genre masculin est à ce point opprimé, il se reconstitue virilement. Il se reconstitue, d'accord ? Et donc, son projet, c'est de se rétablir comme homme. Et donc, il a besoin, en face de lui, d'une femme qui se rétablisse comme femme. Donc, ce moment-là, moi, je le respecte. Je le respecte, mais je tiens à dire qu'il faut aussi en comprendre. C'est pour ça que je parlais de politique d'orfèvre. C'est qu'il faut comprendre ce moment-là et l'empêcher de tomber dans les mains de ceux de Daesh ou de Soral. Parce que Soral, il a parfaitement compris le malaise masculin. Il l'a parfaitement compris et il l'a parfaitement utilisé. Il a flatté le masculinisme des indigènes. Et c'est pour ça que nous, comprenant cela d'un point de vue décolonial, on dit, plutôt que de promouvoir un projet féministe, et je retombe sur mes pattes, pourquoi ça ne sert à rien que moi je me dis féministe ou quoi que ce soit, c'est que si tu promeus un projet féministe qui est lu, entendu par les hommes de chez nous comme un projet qui va les anéantir, dans les quartiers, ils réagissent, ils disent stop, ils disent non. Donc ils réagissent avec un peu plus de virilité. Alors que lorsqu'on fait la marche de la dignité, où il n'y a que des femmes, les sœurs, les mères, qui disent « nous, on est avec les hommes de nos quartiers », là, tu neutralises la virilité. Ils n'ont plus besoin, ils disent « c'est le moment où enfin, on nous voit !» Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'en fait, c'est le moment où tu comprends que c'est la meilleure manière de les apaiser. Donc, c'est pour ça que je pense que notre approche, elle est stratégique. C'est-à-dire qu'on n'a, nous, aucun intérêt à laisser nos hommes entre les mains de Daesh ou les mains de Soral. On n'a aucun intérêt, parce que les deux sont des projets fascistes. Mais si on veut nous libérer, hein, à un moment donné, il faut comprendre le malaise masculin, comprendre la notion d'hégémonie, de masculinité hégémonique et masculinité non hégémonique, c'est-à-dire les masculinités les plus opprimées, et comprendre à partir de là. Donc la formulation qui sort de cette analyse globale consiste à dire il faut une politique, du coup, de la refraternisation avec les hommes. D'accord ? Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai tellement de difficultés avec le mot féminisme qui me semble, en l'occurrence, dans ce contexte-là, complètement inapproprié. Non pas que je le balance aux orties par caprice. Je ne le balance pas aux orties par caprice. Je me rends parce que je pense qu'il n'est pas approprié à une situation concrète d'aujourd'hui. Et je pense, du coup, que notre hypothèse qui est de dire il faut commencer à comprendre que le sujet révolutionnaire, qui est pour nous l'indigène générique, le cœur du sujet révolutionnaire, c'est plus les hommes indigènes que les femmes indigènes. C'est eux qui sont le véritable c'est eux qui sont dans l'œil du cyclone. C'est eux qui sont visés par tout le monde. C'est eux les plus grands perdants. Et c'est eux qui, concrètement, dans le quotidien, se vengent par leur sociabilité viriliste. D'accord ? Alors, si nous, on n'est pas capable de le comprendre, qui le comprendra pour nous ? Donc, il me semble, et j'en reviens à nos intuitions, parce que moi, je pense qu'il faut... Et c'est pour ça que c'est bien d'échapper, encore une fois, à la subjugation, à la fascination. C'est pour ça qu'il faut savoir s'observer. Et nous observer, objectivement, comprendre nos malaises, on est les meilleurs observateurs de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de traducteurs, on n'a pas besoin de gens qui lisent nos situations à nos places, on n'a pas besoin de grands sociologues qui viennent de Paris et qui nous expliquent c'est quoi les quartiers. C'est-à-dire que nous sommes nos meilleurs théoriciens. C'est ça que je veux dire. Et à partir de là, c'est pour ça que, tout à l'heure, je reviens un peu sur l'histoire de « Mon corps ne m'appartient pas », c'est pour reformuler une meilleure manière de s'appartenir, mais en ayant toutes les cartes en main. Peut-être le mot de la fin, l'une et l'autre. Bien, moi, le mot de la fin, ça va être un hommage, et puisqu'on est sur ces questions-là, moi, je suis aussi sur cette logique de dire c'est pas le féminisme musulman, je le dis, je le répète à chacune, je le répétais pendant mes séminaires, le féminisme musulman, c'est pas les hommes contre les femmes, c'est les hommes et les femmes ensemble pour donner la leçon. Moi, le mot de la fin, ça va être justement sur la question des violences extrémistes qui est aujourd'hui politiquement instrumentalisée, où on veut monter effectivement les hommes contre les femmes. Vous savez, on est toute cette industrie de la lutte antiterroriste, toutes les questions de la lutte contre les violences extrémistes, sauver nos jeunes, etc. C'est aussi des mamans qui ont refusé d'être politiquement utilisées. En Belgique, vous ne pouvez même pas vous imaginer le nombre de projets de lutte, de déradicalisation, comme si que nos jeunes, leur cerveau, c'était des logiciels qu'il fallait déprogrammer. Donc c'est comme ça qu'on voit la chose. Hein. Et donc il y a énormément de projets aujourd'hui européens ou internationaux de lutte contre la radicalisation. Moi, j'ai pu être invitée à un nombre de réflexions, de débats, et ça n'arrête pas, les workshops sur la déradicalisation, tout le monde s'y met. Et pourtant, il y a un outil qui, pour moi, est central aujourd'hui. C'est le témoignage de nos mères, les témoignages de nos mamans. Mais je ne parle pas des mamans qui se font utiliser politiquement, je parle de celles qui ont fait le pari d'une parole libre, libérée et autonome. Et j'aimerais vous inviter, d'abord rendre hommage à Fatima Kaddour, qui a rédigé cet ouvrage à travers mes souvenirs et mes larmes, Lettre à mon fils. Donc Bilal était parti en Syrie en 2015, et Bilal est décédé à 500 mètres du Stade de France. Donc c'est un des jeunes qui a été utilisé, instrumentalisé. Cet ouvrage, il est poignant. Il est poignant. C'est une maman qui raconte du jour où elle portait Bilal dans son ventre jusqu'au jour où elle est allée à la morgue et qu'elle a vu le corps de son fils inerte qui était parti en Syrie. Cet ouvrage est un témoignage poignant. Je pense qu'une personne comme Nadine Rosa-Rosso qui accompagne ces mamans, qui fait ce travail politique, on est toujours sur une question, sur la question politique de la lutte contre les violences extrémistes. Nadine Rosa-Rosso a accompagné des mamans. Avant qu'il y ait cet ouvrage, il y a eu le livre de Samira, rappelle-moi, Nadine, Laken, voilà, qui avait aussi rédigé un ouvrage, puisque Nadine Rosa-Rosso encadre des ateliers d'écriture. L'écriture, c'est une vraie thérapie pour ces mamans. Parce que ces mères-là, aujourd'hui, elles sont prises en otage. Hein. Elles sont prises en otage dans les familles, parfois elles sont rejetées. Et puis, pour l'État belge ou français, ce sont des mères de terroristes. Donc, on fait quoi de ces mamans ? Et un travail, des organisations, voilà. Et voir des terroristes elles-mêmes. Elle raconte dans cet ouvrage quand les flics débarquent à 4-5 heures du matin qu'elles traumatisent des enfants. Aujourd'hui, on a des organisations de terrain comme INEA ou comme Nadine Rosa-Rosso qui ont fait le pari d'encadrer, de soutenir ces mamans parce que ces mamans-là aussi, elles ont fait le choix de ne pas être utilisées par le politique ou par les institutions. Et soutenir ces mamans-là, c'est aussi les soutenir dans l'achat de cet ouvrage. Donc moi, je vous invite à vous procurer l'ouvrage. Il est en vente ici. Il est à 7 euros. Et je vous assure, moi, j'ai été plongée. J'ai dévoré l'ouvrage en deux soirées. Et de se dire, mais en réalité, personne n'est à l'abri. Parce que Fatima, elle explique qu'elle n'a rien vu venir. Et elle dit, c'est vrai que j'ai porté cet enfant-là. Je n'ai rien vu venir. Et puis, il est parti comme ça. Donc voilà, c'était mon petit coup de cœur pour conclure de tous ces débats qu'on a sur le féminisme, l'intersectionnalité. On est avant tout des femmes, on est avant tout des mères. Et aujourd'hui, si on n'avance pas main dans la main, eh bien, je pense qu'on va droit dans le mur. Donc voilà, je voulais juste terminer sur cette note et vous inviter à vous procurer l'ouvrage de Fatima Kaddo. Merci. Merci beaucoup, Malika. Auria, le mot de la fin, un petit mot de la fin ou... Il y a une séance de questions-réponses, mais... Non, d'accord. Ben voilà, merci à toutes les deux en tout cas pour cet échange riche et intense en idées, en réflexions. J'imagine que vous avez plein de questions dans la salle pour l'une et l'autre. La parole est à vous. Je propose qu'on prenne deux, trois questions l'une à la suite de l'autre. Et puis